C'est-à-dire, aussi. voilà, il n'y a pas de différence entre le lieu d'habitation et le lieu professionnel. C'est un ensemble. On vit dans le moulin, on vit avec le moulin, on vit au rythme du moulin. Là, vous êtes dans le moulin. Voilà. Bon. Et pour aller... Et oui, alors qu'a priori, on est dans votre salle à manger. Oui, mais c'est le moulin. C'est le moulin à tel point que l'on entendait, quand le moulin tournait, les vibrations et le bruit du moulin. Donc, le moulin, c'est un lieu de vie. C'est lui qui a rythmé l'existence de toute la famille pendant des générations. On vivait dans le moulin. Donc, alors, comment on y accédait? Eh bien, il y avait un passage... Bon, évidemment, au temps de l'arrière-grand-père, Achille. Bon, Achille, il habitait donc toute cette partie habitable qui jouxtait la partie industrielle, et il avait à tous les étages de sa maison des portes de communication avec un couloir traversé. Il était dans le moulin, dans le moulin permanent. Bon. Ensuite, bon, mon grand-père habitait là, mon oncle à côté. Bon, ils avaient également mon oncle pouvait communiquer et mon grand-père communiquait par le bas. Et quand mon père a fait construire sa maison attenante au moulin, puisqu'on ne pouvait plus continuer à partager en rondelle de saucisson la partie habitable, eh bien, il s'est ménagé un couloir intérieur qui lui permettait, été comme hiver surtout, d'aller dans le moulin à toute heure du jour ou de la nuit sans passer par l'extérieur.